Déjà, c'était 2 ans avant. Pardon. Mais ça qui est sur les pierres, c'est pas de la lave. C'est logique.